Chapitre 8e, la tête coupée. Si la séance de chiromancie avait été remise, la raison donnée par l'amorce à son amie, la brave Julie qui aimait tant le rikiki, quoique très acceptable, n'était pas absolument exacte. La vraie raison était tout autre. À cette séance de Madame Roulet, on s'en doute naturellement, Paulin Broquet et ses lieutenants devaient assister. Paulin Broquet en effet ne l'avait pas organisé, préparé. Il n'avait pas combiné cette entrevue avec Madame Roulet pour que seulement la chiromancienne pût déchiffrer le désarroi d'un avenir répondant au passé tracé en lignes menues, coupées et imprécises dans une main de vieille malade. Son but était tout autre. Il voulait, par Madame Roulet, faire causer cette énigmatique Madame Verdier et lui arracher sous la puissance du mystérieux un secret qu'en d'autres circonstances, jamais peut-être, elle n'aurait voulu révéler. Mais voici que le lendemain du jour où l'amorce avait pris rendez-vous pour le vendredi avec Julie, un événement sensationnel au plus haut point retint Paulin Broquet et l'entraîna, complètement vers un autre côté, dans une autre voie, tout aussi dramatique, poignante et mystérieuse que celle où il s'était engagé à la poursuite des aides et de leur merveilleux chef Zigomar. Dans un de ces nombreux et sinistres terrains vagues qui sont encore parsemés entre la Villette et les buttes Chaumont, dès le matin, un brave homme, en se rendant à son travail, avait trouvé un gros paquet ficelé dans des journaux. Le brave homme, entraîné par la curiosité, ouvrit ce paquet, qu'il repoussa aussitôt en jetant des cris d'horreur. Les papiers renfermaient une tête de femme, fraîchement coupée. Les oreilles manquaient, le nez était tranché et les lèvres arrachées. La tête était horrible, épouvantable. Au cri du brave homme, le voisinage accourut, puis des curieux en foule et enfin des agents. Aussitôt, dans un élan de zèle fébrile, la police commença son enquête, puis les magistrats vinrent à la rescousse avec le service de la sûreté. On chercha partout où l'on espérait trouver un indice quelconque qui permît de trouver le bout du fil conducteur de ce dédale criminel, mais on ne découvrit rien. Paris, cependant anxieux, demandait nerveusement le mot de cette énigme effroyable. Monsieur Baumier, après 2 jours de recherches vaines et accablantes, après avoir lancé ses meilleurs limiers, dit qu'il devait à toute force engager Paulin Broquet à lui apporter le concours de sa science, de son ingéniosité, de son audace. Le chef de la sûreté avait donné à Paulin Broquet quelques jours de congé après l'affaire de l'hôtel du baron Vancambre, après la charmante soirée. Ces quelques jours, Paulin Broquet devait les employer comme bon lui semblerait, à poursuivre les Zigomar, ou à seconder les frères Montreuil, ses amis, dans leur œuvre de réparation. Précisément, Paulin Broquet se trouvait chez les frères Montreuil, dans leur appartement de la rue des Mathurins. Il était à peu près 6 heures de l'après-midi. Robert et Raoul montraient au détective divers documents nouveaux, quand le téléphone résonna tout à coup. Raoul, qui se trouvait le plus près de l'appareil, saisit les cornets acoustiques, les plaqua à ses oreilles. « Allô, oui, moi-même ?» répondit-il. Maître Montreuil. Parfaitement. De la part de qui? Peu importe. Comment, peu importe? Je tiens à savoir qui me parle, à qui j'ai affaire. Vous me le direz plus tard. Pas du tout. Je veux savoir immédiatement. Vous êtes un cuisinier? Cuisinier de quoi? Où? Chez qui? Peu importe encore. Cependant. Comment? Vous voulez savoir si dans mon cabinet il y a quelqu'un qui veuille se mettre à table ? Raoul s'écria alors avec colère. Voilà une plaisanterie de mauvais goût et j'espère que vous allez vous nommer pour que je puisse vous... Mais Raoul n'acheva pas. Paulin Broquet s'est élevé. Il vint à l'avocat en souriant. Pardon, maître. Je sais ce que c'est pour moi. Voulez-vous me donner les cornets ? Merci. Paulin Broquet parla alors dans l'appareil. Allô, oui ? Si j'ai faim ? Modérément, j'étais invité ailleurs. « Mais enfin, s'il le faut, j'irai dîner avec vous. »« Oui, oui, je me dépêche. »« Le plat est servi. »« Bon, j'arrive. » Et replaçant les appareils, il dit aux 2 frères qui attendaient très curieusement. « Voilà bien ce que je craignais. »« Quoi donc ?»« Monsieur Baumier me demande de suspendre le congé qu'il m'a accordé. »« Il me réclame pour cette affaire de la tête coupée. »« La tête trouvée hier dans un terrain vague ?»« Oui. »« J'espérais qu'on n'aurait pas besoin de moi et qu'on me laisserait tranquille pendant quelques jours. »« Mais voilà. » On ne fait jamais ce qu'on veut en ce bas monde. Il faut que j'aille me mettre à table. Le dîner est servi. Voyant que les deux frères ne comprenaient pas ces dernières paroles, Paul Imbroquet s'expliqua. « Rien n'est moins fidèle qu'un fil de téléphone. C'est le dernier intermédiaire à qui l'on doit confier un secret. Outre la demoiselle qui écoute quand ça l'intéresse, il y a toujours d'autres oreilles qui ont intérêt à écouter. Alors nous devons échanger des phrases banales, comme celles que vous venez d'entendre. Tantôt nous sommes cuisiniers, tantôt chauffeurs, tantôt menuisiers ou représentants de commerce, ou n'importe quoi. Comme nous savons qui parle, nous nous comprenons, et ainsi notre secret est sinon gardé, du moins incomplètement deviné. » Paul Imbroquet, quelque peu de mauvaise humeur, car cette nouvelle mission dont on le chargeait dérangeait ses plans, quitta peu après Raoul et Robert, et dans une auto, il gagna le cabinet du chef de la sûreté. M. Beaumier l'attendait. « Ah, enfin, vous voilà, ça va marcher. Cette tête, mon cher Broquet, cette tête que nous avons trouvée me fait perdre la mienne. Bon, la vôtre, on la reconnaîtra toujours, je l'espère. » Le chef de la sûreté dit alors au détective, « Nous ne savons plus que faire. On a fouillé partout dans les environs, cherché dans tous les coins, visité les garnis, fait le recensement de toutes les vendeuses d'amour du quartier. Rien trouvé. Aucune disparition signalée. Pas le moindre indice. » Paul Imbroquet écoutait son chef qui parlait nerveusement, en gesticulant, en tapant sur son bureau. Lui, tranquillement, il roulait une cigarette. « Et avec ça, dit le chef de la sûreté, les journaux qui crient après nous, ils nous traitent d'incapables, de bons à rien, rappellent tous les crimes demeurés impunis, font l'énumération des mystères que nous n'avons pu éclaircir. C'est une vie d'enfer. » « Oui, oui, fit paisiblement Paul Imbroquet. Ils me blaguent. Ils affirment que ce n'est pas un crime, mais un simple suicide. C'est tout indiqué. Ils me mettent au défi non pas d'arrêter l'assassin, n'osant pas me demander des choses trop difficiles, mais seulement de découvrir le reste du corps de la victime. On fait des chansons sur la femme sans tête qui se promène incognito. C'est très original. » Et Paul Imbroquet demanda, « Alors, chef, qu'attendez-vous de moi ?»« Comment est-ce que j'attends de vous ?» s'écria le chef de la sûreté en sursautant. « Mais j'attends que vous me tiriez cette affaire au clair. Que je trouve le corps de la femme et l'assassin. Voilà tout ?»« Oui. » « C'est suffisant, en effet. Il n'y a que vous, mon cher Broquet, que vous. Oh, moi. Si nous pouvions nous faire aider par mon habile confrère américain, Thom Twigg. » « Pourquoi Thom Twigg? Vous croyez que... » Le chef de la sûreté s'écria. « Mon cher Broquet, ne plaisantons pas. Je parle sérieusement. » « Oui, mais je vous en prie. Pour aujourd'hui, laissez de côté votre Thom Twigg, votre belle femme rousse, vos aides et tous les zigomards. Ne pensez qu'à cette affaire, à cette tête. » Paul Imbroquet secoua légèrement la cendre de sa cigarette dans le cendrier qui se trouvait sur le bureau du chef de la sûreté. Et il dit sur un ton d'un calme admirable, « Bien. Alors allons voir cette tête. Où est-elle ? À la morgue. Marchons. » Du quai des Orfèvres à la pointe sinistre, derrière la majestueuse Notre-Dame de Paris, où se trouve le bâtiment de la morgue, le chemin n'est pas long. Le chef de la sûreté et le détective le firent à pied. En traversant les couloirs, Paul Imbroquet avait dit à ses lieutenants qui attendaient ses ordres de le rejoindre à la morgue par des voies différentes, pour ne pas donner l'éveil aux gens qui pouvaient les épier. Près du quai aux fleurs, Paul Imbroquet, à qui rien n'échappait, aperçut un camelot qui vendait des journaux, des brochures, se tenant au bord du trottoir et criant sa marchandise. Paul Imbroquet, en passant, remarqua le regard de ce camelot qui croisa le sien. Il se rappela avoir déjà vu ses yeux. Où, quand, à quelle occasion? Sur le moment, il ne put le fixer dans sa mémoire. Mais il voulut revoir encore cet homme. Ne pouvant repasser devant lui sans commettre une maladresse, il s'arrêta, tira une cigarette d'un étui et essaya de l'allumer. Mais les allumettes de la régie, qui prennent déjà très difficilement dans une salle fermée au courant d'air, ne s'enflamment que rarement en plein vent. Paul Imbroquet, en pétant contre la fabrication de ses allumettes, se tourna de divers côtés, abritant la flamme éphémère derrière ses mains réunies en conque, en paravent. Mais il se tenait ainsi dos au vent, les yeux moins sur sa cigarette que sur le camelot, dont le regard l'avait intrigué. Et il vit un client venir acheter un journal. Ce client portait une grosse serviette, comme en ont les clercs d'avocats, d'avoués, d'huissiers, quand ils viennent au palais avec les dossiers du maître. Or, Paul Imbroquet connaissait tous ses employés de basoche, qui ont fait leur carrière boulevard du Palais, ont sauté le ruisseau devant la grille dorée et ont blanchi dans la salle des pas perdus. Celui-là, ils ne le reconnaissaient pas. Mais il eut aussitôt en mémoire ce fait singulier. Cet homme à la serviette s'était trouvé boulevard du Palais quand il l'avait traversé avec le chef de la sûreté. Donc cet homme à la serviette était en faction au boulevard du Palais. Il l'avait suivi depuis le palais jusqu'ici. Et maintenant, il l'accostait, et tout en ayant l'air d'acheter un journal, il parlait au camelot dont le regard était inquiétant. « Bon, bon, » pensa Paulin Broquet, « on me piste. » Sa cigarette allumée, il rejoignit le chef de la sûreté qui avait, sans se douter de tout cela, fait quelques pas en avant. Mais il avait eu le temps de voir l'homme à la serviette s'éloigner du camelot en portant un journal quelconque, et ce camelot se mettre en marche dans la direction que le chef de la sûreté et lui prenaient. À diverses reprises, d'un coup d'œil de côté, il put voir que ce camelot les suivait toujours, et il acquit la certitude qu'il ferait le guet pendant que, dans la morgue, il examinerait avec le chef de la sûreté la tête coupée. Paulin Broquet et le chef de la sûreté, que rejoignirent bientôt Gabriel et Lamorce, descendirent dans la salle de confrontation, qui est également l'amphithéâtre où se trouve la grande table de marbre et les glacières. La cohue devant la morgue était énorme. On avait dû établir un service d'ordre. Pendant le premier jour, la tête énigmatique fut exposée dans la grande vitrine devant laquelle la foule défilait lentement. Aujourd'hui, ce genre d'exhibition macabre n'existe plus. Les malheureux que le flot mauvais de la vie jette derrière ces glaces horribles ne sont plus un passe-temps pour les désœuvrés. Une des sinistres curiosités de la capitale pour les étrangers que les guides conduisent en bande voir la morgue après la visite classique de Notre-Dame. Ce spectacle répugnant et malsain a été supprimé avec juste raison, l'exposition n'ayant jamais donné de grands résultats. Aujourd'hui, pour être admis à voir les morts inconnus, il faut prouver que la curiosité simple n'est pas seul enjeu, mais qu'il peut en découler la reconnaissance d'un parent, d'un ami disparu. Rien de plus moral, de plus juste, de plus respectueux. À l'époque dont nous parlons, l'exposition était au contraire publique. L'annonce que l'on voyait la tête coupée amena à la morgue une foule avide de sensations macabres. Mais il y eut du tapage, des disputes, du scandale, et la tête fut retirée de la vitrine funèbre et mise dans une des glacières. Quand le chef de la sûreté et Paulin Broquet arrivèrent dans l'amphithéâtre, le service de la morgue prévenu avait tout préparé pour que la tête fût rapidement mise sous les yeux des détectives. Un garçon attendait, qui en quelques coups de barre de fer, fit sauter la glace retenant le loquet au moyen duquel la porte en fonte du casier, du four, dans lequel se trouvait la tête, était fermée. Le garçon roula une sorte d'étagère légère en fer, presque devant le trou noir et long où un corps s'allonge en entier. De ce trou, il tira une sorte de plateau de zinc tout couvert de givre. Sur ce plateau qui glissa sur le tréteau se trouvait la tête coupée. Le chariot étagère conduisit avec un grincement sinistre des roues le plateau jusqu'à la table de marbre, et le garçon enleva du plateau, pour la déposer sur la table, la tête épouvantable, puis il s'éloigna. Les magistrats s'approchèrent alors de la table. Ils se penchèrent sur cette tête. Au premier regard, Paulin Broquet et ses deux lieutenants eurent un mouvement d'effroi. Ils frémirent. Tous trois échangèrent un coup d'œil d'anxiété, d'épouvante. Ensemble, ils s'écrièrent : « Elle, la femme rousse ?